Les liaisons dangereuses de Pierre Chauderlos de Laclos, adaptation Lise Charles. 8e épisode. Madame de Tourvel, craignant de succomber à son amour coupable pour Valmont, s'est réfugiée dans un couvent. Pendant ce temps, Valmont initie Cécile au plaisir charnel, loin de Paris, dans la demeure de sa tante, Madame de Rosemonde. Lettre 112. Madame de Rosemonde à la présidente de Tourvel, ce 14 octobre. Ma chère belle, je vous écris bien tard, car mon malheureux rhumatisme m'a repris. Voilà ce que c'est, jeune et fraîche comme vous êtes, d'avoir une si vieille amie. On souffre de ses incommodités. Mon neveu est un peu indisposé, mais sans aucun danger. Nous ne le voyons presque plus. Sa retraite et votre départ ne rendent pas notre petit cercle plus gai. La petite Volange, surtout, bâille, tant que la journée dure, à avaler ses poings. Depuis quelques jours, elle nous fait l'honneur de s'endormir profondément toutes les après-dînées. Adieu, ma chère belle. Je suis pour toujours votre bien bonne amie, votre maman, votre sœur même, si mon grand âge me permettait ce titre. Lettre 113. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont, ce 15 octobre. Je crois devoir vous prévenir, vicomte, qu'on commence à s'occuper de vous à Paris, qu'on y remarque votre absence et que déjà, on en devine la cause. J'étais hier à un souper, où il fut dit que vous étiez retenu au village par un amour romanesque et malheureux. Aussitôt, la joie se peignit sur le visage de tous les envieux de vos succès et de toutes les femmes que vous avez négligées. Revenez, vicomte, ne sacrifiez pas votre réputation à un caprice puéril. Vous avez fait tout ce que nous voulions de la petite Volange. Et pour votre présidente, ce ne sera pas en restant à 10 lieues d'elle que vous vous en passerez la fantaisie. De plus, puisque vous connaissez sa confidente, vous ne doutez pas que chaque lettre d'elle ne contienne au moins un petit serment, et tout ce qu'elle croit propre à corroborer sa sagesse et à fortifier sa vertu. Pourquoi donc laisser à l'une des ressources pour se défendre et à l'autre pour vous nuire ? Ce n'est pas que je sois du tout de votre avis sur la perte que vous croyez avoir faite au changement de confidente. D'abord, Madame de Volange vous hait, et la haine est toujours plus clairvoyante et plus ingénieuse que l'amitié. Toute la vertu de votre vieille tante ne l'engagera pas à médire un seul instant de son cher neveu. En outre, vos craintes portent sur une remarque absolument fausse. Il n'est pas vrai que plus les femmes vieillissent et plus elles deviennent rêches et sévères. C'est de 40 à 50 ans que le désespoir de voir leur figure se flétrir et la rage de se sentir obligée d'abandonner des prétentions et des plaisirs auxquels elles tiennent encore rend presque toutes les femmes bégueules et acariâtres. Il leur faut ce long intervalle pour faire en entier ce grand sacrifice. Mais dès qu'il est consommé, tout se partage en deux classes. La plus nombreuse, celle des femmes qui n'ont eu pour elles que leur figure et leur jeunesse, tombe dans une imbécile apathie qui ne s'en sort plus que pour le jeu et quelques pratiques de dévotion. Celle-là est toujours ennuyeuse, souvent grondeuse, quelquefois un peu tracassière, mais rarement méchante. L'autre classe, beaucoup plus rare mais véritablement précieuse, est celle des femmes qui, ayant eu un caractère et n'ayant pas négligé de nourrir leur raison, savent se créer une existence quand celle de la nature leur manque et prennent le parti de mettre à leur esprit les parures qu'elles employaient avant pour leur figure. Celles-ci ont pour l'ordinaire le jugement très sain et l'esprit à la fois solide, gai et gracieux. Elles remplacent les charmes séduisants par l'attachante bonté et encore par l'enjouement, dont le charme augmente en proportion de l'âge. C'est ainsi qu'elles parviennent, en quelque sorte, à se rapprocher de la jeunesse en s'en faisant aimer. Je m'arrête là, car à présent que vous vous enflammez si vite et si moralement, j'aurais peur que vous ne devinssiez subitement amoureux de votre vieille tante et que vous ne vous enterrassiez avec elle dans le tombeau où vous vivez déjà depuis si longtemps. Je veux encore vous dire que ce moyen de maladie que vous m'annoncez vouloir prendre me paraît bien connu et bien usé. En vérité, vicomte, vous n'êtes pas inventif. Moi, je me répète aussi quelquefois, mais je tâche de me sauver par les détails, et surtout le succès me justifie. Je m'apprête encore à courir une nouvelle aventure. Depuis quelque temps, mon amant m'est devenu insupportable. Il a tellement redoublé d'attention, de tendresse, de vénération, que je n'y peux plus tenir. Il m'excède par son enchantement éternel. Enfin, le moment est venu, il faut nous séparer. J'essaie déjà depuis 15 jours, et j'ai employé tour à tour la froideur, le caprice, l'humeur, les querelles, mais le tenace personnage ne quitte pas prise ainsi. Il faut donc prendre un parti plus violent, en conséquence, je l'emmène à ma campagne. Là, je le surchargerai à tel point d'amour et de caresses. Nous y vivrons si bien l'un pour l'autre uniquement, que je parie bien qu'il désirera plus que moi la fin de ce voyage. À présent, vicomte, devinez le successeur, je vous le donne en 100. Mais bon, ne sais-je pas que vous ne devinez jamais rien? Eh bien, c'est Danceny. Je ne suis encore que sa confidente, mais sous ce voile de l'amitié, je crois lui voir un goût très vif pour moi, et je sens que j'en prends beaucoup pour lui. Ce serait bien dommage que tant d'esprit et de délicatesse allassent se sacrifier et s'abrutir auprès de cette petite imbécile de Volanges. Je vous prie donc, vicomte, de mettre vos soins pendant mon voyage à ce qu'il ne puisse se rapprocher de sa Cécile, comme il a encore la mauvaise habitude de la nommer. Je ne serais sûre de rien s'il la revoyait à présent, surtout pendant mon absence. À mon retour, je me charge de tout et j'en réponds. Lettre 114. La présidente de Tourvel à Madame de Rosemonde, ce 16 octobre. Ma chère amie, je cède à ma vive inquiétude et ne puis m'empêcher de vous interroger. L'état de Monsieur de Valmont, que vous me dites sans danger, ne me laisse pas autant de sécurité que vous paraissez en avoir. Il n'est pas rare que la mélancolie et le dégoût du monde soient des symptômes avant-coureurs de quelque maladie grave. Il me semble qu'il devrait au moins consulter quelqu'un. Ce qui redouble mon inquiétude, c'est que depuis 4 jours, je ne reçois plus de nouvelles de lui. Mon Dieu, ne me trompez-vous point sur son état? Pourquoi aurait-il cessé de m'écrire tout à coup? Sans croire au pressentiment, je suis depuis 4 jours d'une tristesse qui m'effraie. Ah, peut-être suis-je à la veille du plus grand des malheurs. Vous ne sauriez croire, et j'ai honte de vous dire, combien je suis peinée de ne plus recevoir ces mêmes lettres, que pourtant je refuserais encore de lire. Je ne les ouvrais pas, ces lettres, mais je pleurais en les regardant. Mes larmes étaient plus douces et plus faciles, et celles-là seules dissipaient en partie l'oppression habituelle que j'éprouve depuis mon retour. Je vous en conjure, faites-moi donner chaque jour de vos nouvelles et des siennes. Adieu, ma chère amie. Aimez-moi, plaignez-moi. Aurais-je une lettre de vous aujourd'hui? Lettre 115. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil, ce 19 octobre. C'est une chose inconcevable, ma belle amie, comme aussitôt qu'on s'éloigne, on cesse facilement de s'entendre. Tant que j'étais auprès de vous, nous n'avions jamais qu'une même façon de voir. Et parce que depuis près de 3 mois je ne vous vois plus, nous ne sommes plus de même avis sur rien. Je vous remercie de l'avis que vous me donnez des bruits qui courent sur mon compte. Mais soyez tranquille, je reparaîtrai dans le monde plus célèbre que jamais et toujours plus digne de vous. J'espère qu'on me comptera même pour quelque chose l'aventure de la petite Volanges dont vous paraissez faire si peu de cas. Comme si ce n'était rien que d'enlever en une soirée une jeune fille à son amant aimé, d'en user ensuite tant qu'on le veut, d'en obtenir ce qu'on n'ose pas même exiger de toutes les filles dont c'est le métier, et cela sans la déranger en rien de son tendre amour, sans la rendre inconstante, pas même infidèle, car en effet, je n'occupe pas seulement sa tête, en sorte qu'après ma fantaisie passée, je la remettrai entre les bras de son amant sans qu'elle se soit aperçue de rien. Si pourtant on aime mieux le genre héroïque, je montrerai la présidente, ce modèle cité de toutes les vertus, oubliant ses devoirs, sacrifiant sa réputation et 2 ans de sagesse pour courir après le bonheur de me plaire, pour s'enivrer de celui de m'aimer. Je ferai plus, je la quitterai, et je ne connais pas cette femme où je n'aurai point de successeur. Une fois parvenu à ce triomphe, je dirai à mes rivaux, voyez mon ouvrage et cherchez-en dans le siècle un second exemple. Vous allez me demander d'où me vient cet excès de confiance. C'est que depuis 8 jours, je suis dans la confidence de ma belle. Elle ne me dit pas ses secrets, mais je les surprends. Une lettre d'elle à Madame de Rosemonde m'a suffisamment instruit. Je n'ai absolument besoin pour réussir que de me rapprocher d'elle, et mes moyens sont trouvés. Je vais incessamment les mettre en usage. Vous voilà donc à la campagne, ennuyeuse comme le sentiment et triste comme la fidélité. Comment se trouve votre amant? Supporte-t-il bien les nausées de l'amour? Mais quoi? C'est pour Danceny que vous vous donnez cette peine-là? Eh, ma chère amie, laissez-le adorer sa vertueuse Cécile et ne vous compromettez pas dans ses jeux d'enfant. Je vous avoue que je n'ai pas craint de contrarier vos vues en concourant moi-même à augmenter la tendre passion de Danceny pour le premier objet de son choix. Ayant donc trouvé hier votre pupille occupée à lui écrire, et l'ayant dérangé d'abord de cette douce occupation pour une autre plus douce encore, je l'ai décidé à écrire une autre lettre sous ma dictée, où en imitant du mieux que j'ai pu son petit radotage, j'ai tâché de nourrir l'amour du jeune homme par un espoir plus certain. La petite personne était toute ravie, me disait-elle, de se trouver parler si bien. Et dorénavant, je serai chargé de la correspondance. Que n'aurais-je pas fait pour ce Danceny? J'aurais été à la fois son ami, son confident, son rival et sa maîtresse. Encore en ce moment, je lui rends le service de le sauver de vos liens dangereux. Adieu, ma belle amie. Laissez-la, Danceny, et préparez-vous à retrouver les délicieux plaisirs de notre première liaison. Lettre 118. Le chevalier Danceny à la marquise de Merteuil, ce 19 octobre. Si j'en crois mon almanach, il n'y a, mon adorable amie, que 2 jours que vous êtes absente. Mais si j'en crois mon cœur, il y a 2 siècles. Or, je le tiens de vous-même, c'est toujours son cœur qu'il faut croire. Il est donc bien temps que vous reveniez. N'est-ce pas une véritable infidélité que de laisser votre ami loin de vous après l'avoir accoutumé à ne pouvoir plus se passer de votre présence ? Aussi, pourquoi n'êtes-vous pas là pour me répondre, pour me ramener si je m'égare, pour me parler de ma Cécile, pour augmenter le bonheur que je goûte à l'aimer, par l'idée si douce à mon cœur que c'est votre ami que j'aime? Revenez, mon adorable ami. Vous voyez bien que votre retour est nécessaire. Oubliez enfin les 1000 raisons qui vous retiennent où vous êtes, ou apprenez-moi à vivre où vous n'êtes pas. Lettre 120. Le vicomte de Valmont au père Anselme, Feuillant du couvent de la rue Saint-Honoré, ce 22 octobre. Je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous, monsieur, mais je sais la confiance entière qu'a en vous madame la présidente de Tourvel, et je sais combien cette confiance est dignement placée. Je crois donc pouvoir, sans indiscrétion, m'adresser à vous pour obtenir un service essentiel, vraiment digne de votre saint ministère, où l'intérêt de madame de Tourvel se trouve joint au mien. J'ai entre les mains des papiers importants qui la concernent, qui ne peuvent être confiés à personne et que je ne dois remettre qu'entre ses mains. Je n'ai aucun moyen de l'en instruire, parce que des raisons, que peut-être vous aurez su d'elle, lui ont fait prendre le parti de refuser toute correspondance avec moi. Parti que j'avoue volontiers aujourd'hui ne pouvoir blâmer, puisqu'elle ne pouvait prévoir des événements auxquels j'étais moi-même bien loin de m'attendre. Je vous prie donc, monsieur, de vouloir bien lui demander pour moi une entrevue particulière où je puisse au moins réparer, en partie, mes torts par mes excuses, et pour dernier sacrifice, anéantir à ses yeux les seules traces existantes d'une erreur ou d'une faute qui m'avait rendu coupable envers elle. Puis j'espérais, monsieur, que vous ne me refuserez pas des soins si nécessaires et si précieux, et que vous daignerez guider mes pas dans un sentier nouveau, que je désire bien sincèrement de suivre, mais que j'avoue, en rougissant, ne pas connaître encore. J'attends votre réponse avec l'impatience du repentir qui désire de réparer, et je vous prie de me croire avec autant de reconnaissance que de vénération, votre très humble, etc. Lettre 122. Madame de Rosemonde à la présidente de Tourvel, ce 25 octobre. J'espérais, mon aimable fille, pouvoir enfin calmer vos inquiétudes, et je vois avec chagrin que je vais au contraire les augmenter encore. Calmez-vous cependant, mon neveu n'est pas en danger. On ne peut pas même dire qu'il soit malade, mais il se passe sûrement en lui quelque chose d'extraordinaire. Voici le récit de ce qui s'est passé. J'ai donc été ce matin chez mon neveu, je l'ai trouvé écrivant et entouré de différents tas de papiers qui avaient l'air d'être l'objet de son travail. Aussitôt qu'il m'a aperçu, il s'est efforcé de composer sa figure. Il était, à la vérité, sans toilette et sans poudre, mais je l'ai trouvé pâle et défait. Son regard, que nous avons vu si vif et gai, était triste et abattu. Enfin, je n'aurais pas voulu que vous le vissiez ainsi, car il était très propre à inspirer cette tendre pitié qui est un des plus dangereux pièges de l'amour. J'ai pourtant commencé la conversation comme si je ne m'étais aperçu de rien. Je me suis plainte de sa retraite et je tâchais de mêler un peu de gaieté à ma petite réprimande, mais lui m'a répondu seulement et d'un ton pénétré « C'est un tort de plus, je l'avoue, mais il sera réparé avec les autres. » Nous nous sommes remis à causer tranquillement. Il m'a dit, peu de temps après, que peut-être une affaire, la plus grande affaire de sa vie, le rappellerait bientôt à Paris. Mais comme j'avais peur, ma chère belle, que ce début ne me menât à une confidence dont je ne voulais pas, je ne lui ai fait aucune question. Et je lui ai seulement dit que j'espérais que ce séjour serait utile à sa santé, car j'aimais mes amis pour eux-mêmes. C'est à cette phrase que, serrant mes mains et parlant avec une véhémence que je ne puis vous rendre, « Oui, ma tante, m'a-t-il dit, aimez un neveu qui vous respecte et vous chérit, et comme vous dites, aimez-le pour lui-même. » Ne vous affligez pas de son bonheur et ne troublez par aucun regret l'éternelle tranquillité dont il espère jouir un jour. Répétez-moi que vous m'aimez, que vous me pardonnez. Oui, vous me pardonnerez, je connais votre bonté. Mais comment espérer la même indulgence de ceux que j'ai tant offensés? Alors, il s'est baissé sur moi pour me cacher, je crois, des marques de douleur que le son de sa voix me décelait malgré lui. Plus j'y réfléchis, et moins je devine ce qu'il a voulu dire. Quelle est cette affaire la plus grande de sa vie? D'où lui est venu cet attendrissement involontaire en me parlant? À quel sujet me demande-t-il pardon? Comme les yeux de l'amour sont plus clairvoyants que ceux de l'amitié, je n'ai voulu vous laisser rien ignorer de ce qui s'est passé entre mon neveu et moi. Adieu, ma chère belle. Lettre 123. Le père Anselme au vicomte de Valmont, ce 25 octobre. J'ai reçu, monsieur le vicomte, la lettre dont vous m'avez honoré. Et dès hier, je me suis transporté chez la personne en question. Je lui ai exposé l'objet et les motifs de la démarche que vous demandiez de faire auprès d'elle. Quelque attachée que je l'ai trouvée au parti sage qu'elle avait pris d'abord, sur ce que je lui ai remontré qu'elle risquait peut-être, par son refus de mettre obstacle à votre heureux retour et de s'opposer ainsi aux vues miséricordieuses de la Providence, elle a consenti à recevoir jeudi prochain votre visite, à condition toutefois que ce sera la dernière. Si vous continuez à m'honorer de votre confiance, tous mes soins vous seront acquis aussitôt que vous le désirerez. Mon affaire la plus importante sera toujours de remplir les devoirs du saint ministère auquel je me suis dévoué. Lettre 124. La présidente de Tourvel à Madame de Rosemonde, ce 25 octobre. Au milieu de l'étonnement où m'a jeté, Madame, la nouvelle que j'ai apprise hier, je n'oublie pas la satisfaction qu'elle doit vous causer, et je me hâte de vous en faire part. Monsieur de Valmont ne s'occupe plus de moi, et ne veut plus que réparer, par une vie plus édifiante, les erreurs de sa jeunesse. J'ai été informée de ce grand événement par le père Anselme, auquel il s'est adressé pour le diriger à l'avenir, et aussi pour lui ménager une entrevue avec moi, dont je juge que l'objet principal est de me rendre mes lettres, qu'il avait gardées jusqu'ici, malgré la demande contraire que je lui avais faite. Je ne puis sans doute qu'applaudir à cet heureux changement et m'en féliciter, si, comme il le dit, j'ai pu y concourir en quelque chose. Mais pourquoi fallait-il que j'en fusse l'instrument, et qu'il m'en coûtât le repos de ma vie? Le bonheur de Monsieur de Valmont ne pouvait-il donc arriver jamais que par mon infortune? Ah, mon indulgente amie, pardonnez-moi cette plainte. Mes souffrances me seront chères si son bonheur en est le prix. Sans doute il fallait qu'il revînt au Père commun. Dieu n'avait point créé cet être charmant pour n'en faire qu'un réprouvé. Je vaincrai mon cœur rebelle, je l'accoutumerai aux humiliations. C'est surtout pour y parvenir que j'ai consenti à recevoir jeudi prochain la pénible visite de Monsieur de Valmont. Là, je l'entendrai me dire lui-même que je ne lui suis plus rien, que l'impression faible et passagère que j'avais faite sur lui est entièrement effacée. Je verrai ses regards se porter sur moi sans émotion, tandis que la crainte de déceler la mienne me fera baisser les yeux. Ces mêmes lettres qu'il refusa si longtemps à mes demandes réitérées, je les recevrai de son indifférence. Il me les remettra comme des objets inutiles et qui ne l'intéressent plus, et mes mains tremblantes, en recevant ce dépôt honteux, sentiront qu'il leur est remis d'une main ferme et tranquille. Enfin, je le verrai s'éloigner. S'éloigner pour jamais. Et mes regards qui le suivront ne verront pas les siens se retourner sur moi. Qu'est-ce donc que l'amour, s'il nous fait regretter jusqu'au danger auquel il nous expose? Si surtout, on peut craindre de le ressentir encore, même alors qu'on ne l'inspire plus. Que ce jeudi est encore loin, que ne puis-je consommer à l'instant ce douloureux sacrifice? Cette visite m'importune, je me repens d'avoir promis. Qu'a-t-il besoin de me revoir encore? Quand son projet est de me fuir, pourquoi commencer par me chercher? Le plus pressé pour chacun de nous n'est-il pas d'oublier l'autre? Ah, sans doute, et ce sera dorénavant mon unique soin. Je me suis, je crois, beaucoup égarée dans cette lettre. S'il s'y trouvait quelques sentiments dont j'ai à rougir, couvrez-les de votre indulgente amitié. Adieu, ma respectable amie. J'espère, sous peu de jours, vous annoncer celui de mon arrivée. C'était « Les liaisons dangereuses » de Pierre Chauderlos de Laclos, adaptation Lise Charles. 8e épisode. Avec Sophie Doll, la marquise de Merteuil, Gabriel Dufay, le vicomte de Valmont, Flora Brunier, la présidente de Tourvel, Lorenzo Lefebvre, le chevalier d'Anceny, Laurence Mercier, madame de Rosemonde, Jean Bollery, le père Anselme. Violoncelle baroque et arrangement, Lisa Herbès. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Claude Niort, Bastien Varigaud, Félix Levaché, Jean-Mathieu Zandé.